y'a pas grand chose qui nous sépare. Du rap and blues, on entend toujours son vieil guitar. Y'a aucune frontière dans la musique, même si son art avait des guides. Je chante du rap and blues, mon motif c'est très bizarre. Je chante du rap and blues, quand je chante le blues j'en ai marre. Je travaille sans cesse mon charisme, devant le micro comme un ministre. Solo. J'ai bravé mon vieux tourne-disque pour m'acheter un costume d'artiste. Je danse le rap and blues, le rap and blues, je fais des gestes. Je danse le rap and blues, je suis le look sur mes fesses. Le jour où mon exercice physique, mon frère Nasser est tout biflu.